Yeah, le Galtier, Bramsou, yeah. Pocop, you know, c'est ça. Of course, man. Come on. Des gens comme nous sont dans les caves, dans les cages et dans les gars. Croire que mettre les pieds en ville pour nos quartiers, c'est pas légal. On pèse les faux MC, normal c'est RTC. On a les mics automatiques, tout simplement pour ne pas se faire baiser. Mon place, c'est étale, et j'ai décale, vas-y, dégage, bâche. Et mon crew et l'équipe, c'est placard, c'est aïcale. Accusé dans les crimes, faut que ça crie. Mais non, faut que ça tire sur les crosses, bouca, bata. Faut que ça tire, on incite à la haine, se vide à la peste. Soldat du béton, toujours prêt à la guerre. Je viens parler du bitume, les murs sont en crasse. Nos pères sont mortaux et nos mères sont en grâce. Sors les armes, mais non, sors les armes. Quand mon flow passe en boucle, c'est que mon son sort les as. Quand mon clan crie sa haine, ça fait Nassou-Nassou-Nassou. Quand t'entends Nick Le Pen, ça fait Nassou-Nassou-Nassou. Quand les keufs prennent des pierres, ça fait Nassou-Nassou-Nassou. Dédicace ou terre-terre gravée Nassou-Nassou-Nassou. Quand mon clan crie sa haine, ça fait Nassou-Nassou-Nassou. Quand t'entends Nick Le Pen, ça fait Nassou-Nassou-Nassou. Quand les keufs prennent des pierres, ça fait Nassou-Nassou-Nassou. Dédicace ou terre-terre gravée Nassou-Nassou-Nassou. Black dog, black cat, R.A.G. nigga. I came out from the west side, bitch. So stop, oh, niggas yes. Like me ain't gonna fuck. Stop, stop. Motherfucker, stop. The big show. Boss, Bramps, to the king of the kingdom of R.D.C. B.S.M. niggas. Oh, all my niggas know I'm a nice dude, with some nice dude, with some nice cute, with some ice creams. I do a bachelor, $1 million books. All my niggas take me for a fucking down. Let me see you won't stop, niggas I ain't gon' stop. All my niggas from the 62, Boulogne, stop. I'm just looking like Justin, Daniel Trump in the interior. Just looking like the frizzier, like the way you rap down. Let me see you stop down, Bramsou, Steve. Everybody down. Quand on crie sa haine, ça fait Nassou-Nassou. Quand t'entends Nick Le Pen, ça fait Nassou-Nassou. Quand les keufs prennent des pierres, ça fait Nassou-Nassou. Dédicace sur terre-terre gravée Nassou-Nassou. Quand mon clan crie sa haine, ça fait Nassou-Nassou. Quand t'entends Nick Le Pen, ça fait Nassou-Nassou. Quand les keufs prennent des pierres, ça fait Nassou-Nassou. Dédicace sur terre-terre gravée Nassou-Nassou. Moi c'est Bramsou, je représente avec Egal, j'ai Pocop. Pas besoin de capote pour te dire que tu n'es pas mon pote. Ne parle pas de mon secteur, ici y'a pas de branleur. Juste des braqueurs, toujours en débardeur. Prêt à démonter les moteurs qui servent à commettre des actes ultra violents. Ne parle pas de nous, on est tous violents. À base d'un truc de violent, c'est comme commettre un crime en vélo, frérot. C'est Black Cat, c'est pour les tasses, pas pour les chiens de la casse. Donc casse-toi de là, c'est pas la même trace. Car ici bas, y'a toujours des crasses. C'est pour Bramsou, représente avec Egalgé et Popopoco. Toujours en chien de salon et de club, mon pote. Donc reste tranquille, mon rôle. C'est Black Cat, c'est Black Dog, hein. Pour les chiens de la casse, motherfucker niggas. Quand mon clan crie sa haine, ça fait Nassou-Nassou. Quand t'entends Nick Le Pen, ça fait Nassou-Nassou. Quand les keufs prennent des pierres, ça fait Nassou-Nassou. Dédicace ou terre-terre gravé Nassou-Nassou. Quand mon clan crie sa haine, ça fait Nassou-Nassou. Quand t'entends Nick Le Pen, ça fait Nassou-Nassou. Quand les keufs prennent des pierres, ça fait Nassou-Nassou. Dédicace ou terre-terre gravé Nassou-Nassou.